Elle est là, assise dans la même pièce que lui. Et lui qui, comate vomi, se remet de sa cuite. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble dans quelques mois. Elle ne sait plus pourquoi elle est malade, des trous de mémoire. Cette petite femme, si douce et attachante, reste de marbre face aux insultes, a peur de rentrer dans sa chambre. Ce soir il pleut, madame appréhende sa soirée. Va-t-elle finir en sang, va-t-elle partir avec les pompiers? Quand la haine prend le pas sur l'amour et que la peur remplace la joie, faut fuir loin. Facile à dire, elle préfère mentir au médecin. Ce soir un mauvais coup par coup dur, madame a perdu la vie dans son couloir. Elle est morte d'amour. L'amour peut tuer et faire mal aussi. Elle est morte d'amour. L'amour est nocif, mais tu kiffes comme elle est morte d'amour. L'amour une drogue, chacun veut sa dose. Elle est morte d'amour. Qui t'a entraîné la mort? Elle est morte d'amour. L'amour peut tuer et faire mal aussi. Elle est morte d'amour. L'amour est nocif, mais tu kiffes comme elle est morte d'amour. L'amour une drogue, chacun veut sa dose. Elle est morte d'amour. Qui t'a entraîné la mort? Il est là, se casse le dos pour un smic. Sa femme est possessive, c'est plus possible pour lui. Des engueulades tous les jours pour des conneries abusées. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont plus embrassés, amusés. Madame est dépensière, tous les mois les comptes sont dans le rouge. Rouge, oui, comme les traces sur le visage de monsieur. Il se laisse faire, il ne ferait pas de mal à une mouche. Son cœur est rempli d'amour, de gentillesse. Il est plutôt simple, il veut juste aimer et se faire aimer, mais quand il rentre du taf, c'est pour se prendre une bonne raclée. Au bout du rouleau, madame ne s'y attendait pas. Voir son mari au bout d'une corde, balançant de gauche à droite. Il est mort d'amour. L'amour peut tuer et faire mal aussi. Il est mort d'amour. L'amour est nocif, mais tu kiffes comme il est mort d'amour. L'amour une drogue, chacun veut sa dose. Il est mort d'amour. Qui t'a entraîné la mort? Il est mort d'amour. L'amour peut tuer et faire mal aussi. Il est mort d'amour. L'amour est nocif, mais tu kiffes comme il est d'amour. L'amour une drogue, chacun veut sa dose. Il est mort d'amour. Qui t'a entraîné la mort? L'amour peut tuer et faire mal aussi. L'amour est nocif, mais tu kiffes comme une carexie. L'amour une drogue, chacun veut sa dose. Qui t'a entraîné la mort?